conférence nationale, nous la réclamons et dans un premier temps, nous avons pris l'initiative d'organiser la semaine prochaine une marche pacifique pour amener le pouvoir à accepter le principe de la conférence nationale. Mais il est évident que si les moyens pacifiques et légaux n'étaient pas suffisants, les partis d'opposition seront conduits à envisager d'autres formes d'action. Le président Paul Biya est au pouvoir depuis 8 ans quand il s'exprime en avril 1991 et à l'occasion d'une visite en France sur cette demande de conférence nationale.